feed. Right, thank you. Garçons et dames, bonsoir, c'est DDN dans le vide relatif sur Rage 88.3, l'émission où on écoute de tout sans écouter n'importe quoi, enfin on espère. Twelve Rec est un petit label de CDR qui tire à 50 exemplaires, ce qui est assez incroyable étant donné la qualité des produits qu'il propose. Tiens, j'ai dit produits. C'est pas un produit la musique, c'est pour ça qu'il tire à 50 exemplaires, c'est parce que c'est drôlement bien et que comme c'est pas un produit quand on fait des diffusions illimitées, on a les auditeurs qu'on a envie d'avoir. Bah comme dans cette émission, étant donné que vous êtes deux à écouter, c'est-à-dire moi et ma maman, et peut-être trois, ma femme de temps en temps, et bah ça fait qu'on a que les auditeurs qu'on aime. Ah, à propos, je suis désolé, je sors juste d'une laryngite, alors j'ai un peu du mal à parler. Je vous laisse tout de suite avec Giraffe de chez Twelve Rec, vous allez voir, c'est très joli, c'est très délicat, j'aime beaucoup ce titre. Just freedom. No objection to their morals. I just beat 'em. Boss says it's easy. Just don't feed 'em. Easier said when you don't have to meet 'em. Thank you. Comme j'ai fait un gros échange avec 12rec récemment et que j'ai reçu beaucoup de disques de chez eux, je pense qu'on va en passer pendant quelques semaines. Rappelez-vous à ce propos que l'émission se termine le 30 juin et qu'il y aura peut-être une saison 2 l'année prochaine, mais je ne suis pas sûr. On disait donc que la musique, c'était pas un produit. Et les musiciens, c'est pas des produits non plus. Les musiciens, c'est des gens qui font de la musique. C'est pas des gens qui montrent leur pif à la télévision parce que leur agent de presse a décidé qu'il fallait qu'ils aillent dans l'émission de Koé. Alors moi, si j'étais vous, je ferais quelque chose. Je prendrais le fil qui relie l'antenne à la télévision et une paire de ciseaux. Et avec les ciseaux, je couperais le fil. Comme ça, j'arrêterais d'être pollué par les images qui viennent de la télévision, qu'elles soient numériques, hertziennes, analogiques, enfin bref. Et puis je me servirai de la télévision pour regarder des films. Et puis j'écouterai la radio aussi. J'écouterai Rage. Ou j'écouterai une excellente émission qui s'appelle Alternative et qui passe à 23h sur France Inter. Bah oui, je sais, 23h c'est tard, vous avez qu'à l'enregistrer, vous enregistrez bien des films débiles. C'est à 23h, c'est le samedi à 23h, hein? Samedi. Le titre suivant, c'est Cone. C'est un gars belge qui se prend pour Aphex Twin. Enfin, je pense plutôt que c'est Aphex Twin qui se prend pour Cone puisqu'on en parle. Ce très joli titre, même s'il est un peu classique de facture, en tout cas dans le genre, est sorti sur la compilation Trombose. Trombose est un label rémois, et sur Trombose, il y a Trombone. C'est rigolo, hein ? Trombone et Margrave Rudiger aussi, qui sont les auteurs du merveilleux générique de cette émission, qui fait une très jolie sonnerie de portable si vous voulez la télécharger. Ah, le problème, c'est que vous pouvez pas la télécharger. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'enregistrer sur cette émission. Ou peut-être la demander gentiment. Alors je ne donne plus de mail parce que ça fait 6 mois que j'en demande un et que je ne l'ai toujours pas, donc pour me contacter ou pour contacter l'émission c'est facile, vous pouvez aller sur les forums de Rage, forum.rage.fr. Et il y a un topic qui s'appelle le vide relatif et qui te concerne toi, l'auditeur de Rage. Enfin l'auditeur du vide relatif, t'es tout seul. T'es complètement tout seul, tu te sens pas un peu isolé, non ? Vous vous rappelez, ça fait quelques temps que je vous dis qu'on reçoit plein d'ambiants à guitare en ce moment. Enfin, en tout cas, moi, j'en reçois plein. Enfin, ça tombe bien, de toute façon, j'adore ça. Ça fait quelques temps que je me suis mis à aimer vraiment beaucoup, beaucoup l'ambiant, et j'en écoute tout plein en ce moment. Ce qui suit, c'est Derek Higgins, ça s'appelle Sun in Moon. C'est un peu synthétique, c'est un peu rêveur, c'est drôlement bien. Alors ça, c'est encore plus difficile à trouver que d'habitude, parce que c'est sorti sur un label qui s'appelle DVH Records, et j'ai perdu leur contact. C'est-à-dire que même par moi, vous pouvez pas le trouver. Enfin, moi j'en ai un de disque, si vous voulez, je vous le prête. Alors, il y a du hardcore qui tabasse, et il y a du hardcore qui est fait par les filles. Et puis, il y a du hardcore qui est fait par les filles, et qui tabasse. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Enfin là, c'est quand même bien, parce que c'est Bergzerk, c'est une fille qui chante. C'est un peu ancien, c'est du milieu des années 90, mais ça garde un certain charme, le charme d'une époque révolue où on aimait bien le straight edge, tout ça. Bon, enfin, sans en partager les imbécilités politiques, mais on aimait bien la musique. Here's where Cameron goes berserk. Passer du gros hardcore qui tâche, juste après on va passer de la glitch, et après tu voudrais pas qu'on passe du freecore des fois. Eh bah si, eh bah c'est justement ce qu'on va faire, après on va passer un truc japonais, vous allez voir ça va être rigolo. Bon enfin tout ça pour vous dire qu'ici il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de genres musicaux, il n'y en a pas qui ont les cheveux longs, puis d'autres qui n'ont pas les cheveux longs, il n'y en a pas qui écoutent du machin métal, puis d'autres qui écoutent du hardcore truc, enfin tout le monde est là quoi. Et on est tous ensemble et on écoute tous de la bonne musique. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. J'aime particulièrement bien Massimo. Ça, c'était Massimo, c'est un gars qui fait de la musique qui est en Italie, qui est signé sur Mego, le label autrichien. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que la qualité de la production de Mego a un peu baissé ces derniers temps, mais on y trouve toujours des choses extraordinaires, comme par exemple Tujiko Noriko, que vous connaissez peut-être pas, c'est le moment de découvrir. J'en passe pas, parce que je passe pas de trucs qui viennent de vrais labels. Mego, c'est un vrai label, ils sont distribués à la Fnac, alors démerdez-vous, Tujiko Noriko, c'est vachement bien, c'est sur Mego. C'était ça le truc japonais dont je vous parlais. Ça c'était Machine Gun TV, c'est sorti sur Public Eyesor. Là aussi j'ai fait un gros échange avec Public Eyesor il y a pas longtemps, j'ai reçu plein de disques de chez eux et là aussi vous allez en écouter pas mal. Enfin moi je vais en passer pas mal. Enfin toi qui écoutes, t'es tout seul, t'es toujours tout seul. Tu peux toujours nous contacter sur forum.rage.fr et même si t'es tout seul, si tu nous contactes, il y aura peut-être une deuxième saison l'année prochaine. Ah tiens, au fait, vous en avez peut-être marre que ça soit de la musique qui sorte de la lune, qui soit sans arrêt passée ici, au lieu que ça soit votre super groupe. Alors si votre groupe il est super, ce que je veux bien croire, vous pouvez nous contacter aussi sur le même forum pour essayer de nous envoyer une petite démo. Déjà, ça me fera plaisir. Ensuite, si ça me plaît, eh ben je la passerai à l'émission. Et puis ensuite, si ça me plaît pas, bah ça ira à la poubelle. Et si c'est quand même pas si mal, je le passerai à quelqu'un à qui ça peut plaire. Trouvez peut-être ça un peu raide que je dise que je vais jeter votre démo à la poubelle. Bon, c'est vrai que si ça me plaît pas, c'est là que ça va aller. Mais n'empêche que dans cette émission, il n'y a pas d'attaché de presse ou de machin chouette d'une compagnie de disques qui vient me taper sur l'épaule en me disant ce que je dois passer. D'accord ? Alors, si ça passe ici, c'est peut-être aussi parce que c'est bien. Mais ça signifie aussi peut-être que je suis la seule personne à qui ça va plaire. Ça tombe bien, t'es toujours tout seul à m'écouter. Shall Not Kill, c'est un groupe de Nancy que je passe régulièrement ici et que vous connaissez donc sans doute si vous avez déjà écouté l'émission. Ils viennent de sortir un album qui les emmène vers des horizons plus ambiants, plus drone metal, enfin vous voyez bien le genre, avec notamment le troisième morceau de l'album qui fait 30 minutes. Il y a des chances que ça soit le morceau qui clôture la saison. Enfin, on verra bien ça lorsque la fin juin sera arrivée. Je vous laisse avec Shall Not Kill, ça s'appelle Tonio. Thank you. triste même que Shall Not Kill va disparaître avant la fin de l'année, même si le couple qui est à la base du groupe va sans doute continuer ses activités sous un autre nom. C'est bien dommage parce que ça fait des années qu'ils font de la bonne musique et qu'ils n'ont, comme d'habitude dans notre joli pays, jamais été remarqués par personne. Atterrissons un peu maintenant avec Paranoid Foundation, c'est de l'ambiance, ça s'appelle Fold. Il y a un espèce de groupe de pop ignoble là qui s'appelle Travis. Ça doit être dans le genre de Coldplay, enfin pour ce que j'en ai entendu. Enfin de toute façon, Travis, Coldplay, tout ça, je m'en fous. Mais par contre, ce qui me gêne avec Travis, c'est qu'ils ont le même nom qu'un artiste américain qui s'appelle lui aussi Travis, ça fait 10 fois que je le dis, et qui fait un espèce de blues complètement barré. Et moi, j'aime vraiment très bien, je suis ce garçon-là depuis qu'il a commencé à faire de la musique il y a un certain nombre d'années. C'est Travis, cet extrait de son nouvel album qui s'appelle Digititillation, sorti sur Reality Impaired Records. Et si vous voulez leur contact, vous pouvez nous contacter, nous, sur forum.rage.fr. Voilà, ça c'est ce que moi j'appelle vraiment du blues, mais je pense pas que c'est l'avis de tout le monde, en particulier pas des amateurs de blues. C'était Travis sur Reality Impaired, ça s'appelait Friends. Elvis Coffee Recordings est un label anglais d'ambient et de psyché qui vient juste de sortir une compilation sur laquelle il y a Psychic Space Invasion, que vous connaissez peut-être déjà, vu que je vous en ai déjà passé, et sur lequel il y a SWN qu'on va écouter maintenant. Le morceau s'appelle Bossa Elliptico. Effectivement, on croit reconnaître un peu quelques rythmes latino-américains dans cet électro un peu déjanté. Thank you. pour moi qui ai une sainte horreur de tous ces machins chouettes sud-américains, cubo, afro, machin truc, à moitié reggae, à moitié salsa, tout ça, ça me fait vomir. Comme quoi, quand je dis qu'on écoute de tout ici, c'est quand même pas tout à fait vrai. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé ce morceau-là. Bon, maintenant, avant qu'on termine, j'ai un message pour toi, l'auditeur de l'émission. Si tu veux que l'émission continue, il faut nous laisser un message sur forum.rage.fr. Il y a un topic, le vide relatif, exprès pour toi. Alors, on se quitte donc sur un petit peu de blabla. Je vous laisse avec ce qui vient ensuite. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais je vous aime bien quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine, mardi, 22h. Merci bien, bonsoir.